17-20, observation, connaissance et savoir. Comparer. Vous connaissez ces jeunes gens? Non, je ne sais pas qui ils sont. Je ne sais pas pourquoi ils manifestent. Elle connaît Madame Courtois. Elle sait qui c'est. Elle sait où elle habite. Je connais cette fille, mais je ne sais pas si elle fait du russe. Vous connaissez Chartres? Non, mais je sais qu'il y a une cathédrale. Elle connaît le Pays basque, mais elle ne sait pas le basque. Comparer les objets de connaître et de savoir. Et notez que les objets de connaître sont des noms. Jeunes gens, Chartres. Les objets de savoir sont souvent des propositions avec un verbe. Qui ils sont? Écrire, lire. Quand l'objet de savoir est un nom, ce nom représente quelque chose qu'on peut apprendre. Par exemple, une langue, le basque, le français. Pour les esprits curieux et exigeants, remarquez qu'on connaît des personnes, Madame Courtois, et des endroits, le Pays basque. Connaître suggère une simple familiarité. C'est le résultat d'une expérience, d'un contact. Il n'est pas nécessaire d'apprendre, d'étudier pour connaître. Mais savoir implique une opération intellectuelle. On sait ce qu'on a appris. On sait lire, écrire et compter parce que on a appris à lire, à écrire et à compter. On sait une langue, le basque, le français. Pour savoir lire, il faut apprendre à lire. Pour savoir le français, il faut apprendre le français. Je sais qu'il y a une cathédrale à Chartres parce que je l'ai appris, je l'ai lu, on me l'a dit ou j'ai remarqué son existence.